Et je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Et si je rentrais pas des fois, je te jure que c'était pour toi. Tous les soirs je demande au bon Dieu de me faire partir avant toi. Et je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Deux semaines sans manger, nourri sous perfusion. Jusqu'ici tout va bien, tiens le coup elle s'en sort. 3 avril 2000 à 19h30. Navré de vous dire que l'autre jumeau est mort. Le jour de son anniversaire, heureuse mais déçue. Sur son lit elle repense à son fils décédé. Dieu merci l'autre est là, un cas pas survécu. Les mêmes jeux que son père, c'est toi Marcel Junior. Et je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Et si je rentrais pas des fois, je te jure que c'était pour toi. Tous les soirs je demande au bon Dieu de me faire partir avant toi. Et je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Et je suis désolé maman, si tu savais. T'es la seule femme que j'aime, c'est à cause de tes larmes que je regrette. Et tous les soirs j'y pense, qu'est-ce que je ferais sans toi. Donc derrière l'antipop, je recrache toute ma haine. Là tout va mieux, je mets de l'or sur ta tête. Et comme tu jouais le rôle de mon père et de ma mère, je me dois de drame. Je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Et si je rentrais pas des fois, je te jure que c'était pour toi. Tous les soirs je demande au bon Dieu de me faire partir avant toi. Et je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Et si je rentrais pas des fois, je te jure que c'était pour toi. Tous les soirs je demande au bon Dieu de me faire partir avant toi. Et je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Et je suis désolé maman, t'es la seule femme que j'aime. C'est à cause de tes larmes que je regrette. J'y pense, qu'est-ce que je ferais sans toi.